je veux plus le minimum. Depuis que je sais que je mérite tout. Des fois je suis épaule, ça m'arrive de penser à nous. De toutes les couleurs, j'en ai vu, j'ai dû tenir le coup. Tu peux voir ailleurs, mais de mes lèvres, t'as toujours le goût. Ton cœur est vide, je te regarde quand t'es sur la scène. Tu m'as fait du mal, c'est que pour le taf qu'on s'appelle. J'essaye de prendre du recul, je sais que ça peut pas marcher. T'en as beaucoup vu, donc ce qui te retient, c'est pas son tarpé. Obligé, tu sais que j'ai mal. Je suis visée, je vais skier les balles. On s'affiche, donc les gens parlent. Faut que tu me dises, ouais, faut que tu me dises, ouais. J'ai fini par le faire, pour t'oublier, j'ai changé de camp. Ouais, j'ai fini par me taire, c'était qu'une question de temps. J'suis plus là, j'suis plus là, j'suis plus là, si t'as besoin de moi. J'suis plus là. Le maximum, j'ai besoin d'un mec à l'écoute qui me rassure souvent sans être le coupable de mes doutes. C'est pas vrai quand j'ai pensé avoir trouvé le seul. Aveuglé, j'ai mis de côté tous ces mecs qui me veulent. T'es choqué, j't'ai bloqué, moi j't'ai mis de côté. Y'a plein de mecs sur la terre qui n'ont pas de plan B. Notre histoire t'a plombé, faut mieux laisser tomber. Là j'regarde dans tes yeux, c'est moi qui me suis trompé. Obligé, tu sais que j'ai mal. J'suis visé, j'vais skier les balles. On s'affiche, donc les gens parlent. Faut que tu me dises, ouais, faut que tu me dises, ouais. J'ai fini par le faire, pour t'oublier, j'ai changé de camp. Ouais, j'ai fini par me taire, c'était qu'une question de temps. J'suis plus là, j'suis plus là, j'suis plus là, si t'as besoin de moi. J'suis plus là. Ben, je te conseille de jamais rappeler parce que je répondrai jamais, plus jamais de la vie.